Saint-Jean frissonne. Au fond de sa sombre poitrine, l'apocalypse horrible agite son tocsin. Échille, Oreste marche et rugit dans ton sein. Et c'est, ô noir poète, à la lèvre irritée, sur ton crâne géant qu'est cloué Prométhée.